Chapitre 6e. Toutefois, Lamartine allait s'élever encore plus haut, et les harmonies sont supérieures aux méditations. La forme, il est vrai, n'y est pas si merveilleusement correcte, si régulièrement harmonieuse. Ce n'est plus ce bas-relief athénien sculpté avec une délicatesse et une patience qui ne supporte pas le plus léger défaut. Ce n'est plus ce tableau que l'on pourrait considérer à la loupe, non. Mais c'est une belle suite de fresques hardies et rapides, de sculptures à moitié terminées et puissantes. Jusque-là, Lamartine s'était surtout servi de l'alexandrin ou des strophes régulières. Il se néglige ici et se néglige très heureusement. Il admet, il combine, il entrelace tous les rythmes et tous les vers. C'est ici la véritable expression de son âme. Tout y est simple, aisé et presque spontané. On n'a jamais manié notre vers avec cette facilité. L'harmonie, d'ailleurs, est presque tout entière conservée, ou pour mieux dire, transformée. Chacune des harmonies ressemble à ces symphonies magnifiques de Beethoven, de Haydn et de Mozart. À des accents graves et majestueux succèdent des accords rapides et joyeux. Toutes les nuances, tous les tons, tous les rythmes se mêlent dans ces beaux vers, sans jamais s'y confondre ni s'y nuire. Mais au bonheur, la religiosité a été décidément abandonnée par le poète. Et c'est bien la religion qui vibre, qui chante, qui vit dans cette œuvre nouvelle. Dieu, le vrai Dieu, y est noblement acclamé. L'âme y déborde d'amour et d'adoration. La création y est ardemment comprise, aimée, poussée vers le Créateur. Tous les êtres de la nature y sont appelés à prendre tour à tour la parole. On y entend les cris de l'océan, du ciel, de la terre, des arbres en fleurs, des rochers muets, des vastes bois, des eaux courantes, des ruisseaux et des fleuves. On y entend surtout le cri intelligent de l'homme vers Dieu. Tout chante Dieu. Par-ci, par-là, je le veux bien, il y a encore quelques notes discordantes, et je supprimerai volontiers quelques vers dans cet hymne au Christ, où la divinité de notre Jésus n'est peut-être pas encore assez nettement affirmée. Mais, somme toute, les harmonies sont un recueil de cantiques. Et jamais cantiques plus beaux, depuis David et les écrivains sacrés, n'ont peut-être passé sur les lèvres humaines. C'est ainsi que, décidément, Lamartine jeta dans les bras l'une de l'autre la vérité et la poésie, réconciliées pour toujours, et dont le baiser sera immortel. Si j'insiste sur ce point, c'est qu'il caractérise le rôle de l'auteur des méditations, c'est qu'il résume toute son œuvre.